Le Comité national finlandais pour l'étude des idées jetées a fait paraître en brochure l'œuvre classique du dirigeant suprême Kim Jong-un que le parti, l'armée et le peuple entier entreprennent un énergique effort de remise en état des forêts pour recouvrir les montagnes de la patrie d'une verdure luxuriante. La cérémonie de parution a eu lieu le 3 janvier à Helsinki.